Kirillov. Tous les héros de Dostoïevski s'interrogent sur le sens de la vie. C'est en cela qu'ils sont modernes. Ils ne craignent pas le ridicule. Ce qui distingue la sensibilité moderne de la sensibilité classique, c'est que celle-ci se nourrit de problèmes moraux et celle-là de problèmes métaphysiques. Dans les romans de Dostoïevski, la question est posée avec une telle intensité qu'elle ne peut engager que des solutions extrêmes. L'existence est mensongère ou elle est éternelle. Si Dostoïevski se contentait de cet examen, il serait philosophe. Mais il illustre les conséquences que ces jeux de l'esprit peuvent avoir dans une vie d'homme, et c'est en cela qu'il est artiste. Parmi ces conséquences, c'est la dernière qui le retient, celle que lui-même, dans le journal d'un écrivain, appelle « suicide logique ». Dans les livraisons de décembre 1876, en effet, il imagine le raisonnement du suicide logique. Persuadé que l'existence humaine est une parfaite absurdité pour qui n'a pas la foi en l'immortalité, le désespéré en arrive aux conclusions suivantes. Puisqu'à mes questions au sujet du bonheur, il m'est déclaré en réponse, par l'intermédiaire de ma conscience, que je ne puis être heureux autrement que dans cette harmonie avec le grand tout, que je ne conçois et ne serai jamais en état de concevoir, c'est évident. Puisqu'enfin, dans cet ordre de choses, j'assume à la fois le rôle du plaignant et celui du répondant, de l'accusé et du juge, et puisque je trouve cette comédie de la part de la nature tout à fait stupide, et que même j'estime humiliant de ma part d'accepter de la jouer, en ma qualité indiscutable de plaignant et de répondant, de juge et d'accusé, je condamne cette nature qui, avec un si impudent sans gêne, m'a fait naître pour souffrir. Je la condamne à être anéantie avec moi. Il y a encore un peu d'humour dans cette position. Se suicider se tue parce que sur le plan métaphysique, il est vexé. Dans un certain sens, il se venge. C'est la façon qu'il a de prouver qu'on ne l'aura pas. On sait cependant que le même thème s'incarne, mais avec la plus admirable ampleur, chez Kirillov, personnage des possédés, partisan lui aussi du suicide logique. L'ingénieur Kirillov déclare quelque part qu'il veut sauter la vie parce que c'est son idée. On entend bien qu'il faut prendre le mot au sens propre. C'est pour une idée, une pensée, qu'il se prépare à la mort. C'est le suicide supérieur. Progressivement, tout le long de scènes où le masque de Kirillov s'éclaire peu à peu, la pensée mortelle qui l'anime nous est livrée. L'ingénieur, en effet, reprend les raisonnements du journal. Il sent que Dieu est nécessaire et qu'il faut bien qu'il existe. Mais il sait qu'il n'existe pas et qu'il ne peut exister. « Comment ne comprends-tu pas, s'écrie-t-il, que c'est là une raison suffisante pour se tuer ?» Cette attitude entraîne également chez lui quelques-unes des conséquences absurdes. Il accepte, par indifférence, de laisser utiliser son suicide au profit d'une cause qu'il méprise. « J'ai décidé cette nuit que cela m'était égal. » Il prépare enfin son geste dans un sentiment mêlé de révolte et de liberté. « Je me tuerai pour affirmer mon insubordination, ma nouvelle et terrible liberté. » Il ne s'agit plus de vengeance, mais de révolte. Kirillov est donc un personnage absurde avec cette réserve essentielle, cependant, qu'il se tue. Mais lui-même explique cette contradiction et de telle sorte qu'il révèle en même temps le secret absurde dans toute sa pureté. Il ajoute en effet à sa logique mortelle une ambition extraordinaire qui donne au personnage toute sa perspective. Il veut se tuer pour devenir Dieu. Le raisonnement est d'une clarté classique. Si Dieu n'existe pas, Kirillov est Dieu. Si Dieu n'existe pas, Kirillov doit se tuer. Kirillov doit donc se tuer pour être Dieu. Cette logique est absurde, mais c'est ce qu'il faut. L'intéressant, cependant, est de donner un sens à cette divinité ramenée sur Terre. Cela revient à éclairer la prémisse « si Dieu n'existe pas, je suis Dieu » qui reste encore assez obscure. Il est important de remarquer d'abord que l'homme qui affiche cette prétention insensée est bien de ce monde. Il fait sa gymnastique tous les matins pour entretenir sa santé. Il s'émeut de la joie de Chatov retrouvant sa femme. Sur un papier qu'on trouve après sa mort, il veut dessiner une figure qui leur tire la langue. Il est puéril et colère, passionné, méthodique et sensible. Du surhomme, il n'a que la logique et l'idée fixe. De l'homme, tout le registre. C'est lui, cependant, qui parle tranquillement de sa divinité. Il n'est pas fou. Ou alors, Dostoïevski l'est. Ce n'est donc pas une illusion de mégalomane qui l'agite, et prendre les mots dans le sens propre serait cette fois ridicule.